dans les brisants, parmi les lames en démence, l'endroit bon à la pêche, et sur la mer immense, le lieu mobile, obscur, capricieux, changeant, où se plaît le poisson aux nageoires d'argent, ce n'est qu'un point, c'est grand deux fois comme la chambre. Or, la nuit, dans l'ondée et la brume, en décembre, pour rencontrer ce point sur le désert mouvant, comme il faut calculer la marée et le vent, comme il faut combiner sûrement les manœuvres. Les flots, le long du bord, glissent, vertes couleuvres. Le gouffre roule et tord ses plis démesurés et fait râler d'horreur les agrès effarés. Lui songe à sa Janie, au sein des mers glacées, et Janie en pleurant l'appelle, et leurs pensées se croisent dans la nuit, divins oiseaux du cœur.